Juste par rapport à vos exemples de ce que vous avez fait en Colombie, je voulais juste, pour faire un lien avec ce qui a été dit dans votre conférence, que vous précisiez votre rapport au trottoir. Parce que ça m'a l'air d'être une question importante. Et je me demande dans quelle mesure c'est légitime de le transposer ailleurs. Parce qu'il y a des villes où il n'y a pas de trottoir et ça marche. Et je ne sais pas si ça peut vraiment changer les choses. Ou est-ce que ça reflète une façon de penser la ville qui est très ancrée ici enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas une idéologie du trottoir. Je ne suis pas un fétichiste du trottoir. Non, mais je comprends votre question. Simplement, ce que je pense dans ces endroits-là, je ne suis pas le seul, puisque j'ai travaillé, à chaque fois j'y vais, et je reste une quinzaine de jours, et je bosse avec les gens pendant 15 jours. Ce que je pense, c'est que l'entrée, si vous voulez, ils ont aussi droit au confort, ils ont aussi droit à des poubelles, ils ont aussi droit à des arbres, ils ont aussi droit à lorsqu'ils ouvrent leur porte, ne pas tomber sur une bagnole qui est calée contre leur porte, ils ont aussi droit à des trottoirs. Je ne leur propose pas, comme dans le centre de Saint-Denis, un système avec des bornes. Puis moi, je propose là, j'arrive, je donne mon point de vue, je discute, on discute, on avance, et puis après, les gens ils continuent sans moi, et je ne suis que de passage. Mais je n'ai aucune. Je n'ai pas de complexe du colon, parce que moi, j'y suis pour rien là-dedans. Donc, je suis content d'y aller, et du coup, j'y vais avec mes imperfections, mes contradictions. Et ce que je trouve, c'est que le fait de dire de se battre sur un trottoir n'est pas qu'un trottoir, un endroit. C'est-à-dire se dire on prend un territoire et puis du coup on essaie de voir comment on le rend confortable. Et pas de manière bête en le faisant partout de la même largeur ou des trucs comme ça. Mais le fait de se dire on rend un territoire, un quartier confortable, c'est du coup mobiliser tous ceux qui n'ont jamais pensé à ça. Que les images que j'ai montrées, ce sont. Y a des gens qui pensent que c'est comme ça, que ça doit être comme ça et que ça ne doit pas être autrement. Voilà, et qu'il n'y a pas à faire. Donc c'est déjà dire qu'une ville doit être confortable et qu'elle peut l'être, c'est rendre plus de qualité de vie aux gens. Moi je suis peut-être un révolutionnaire, j'en sais rien, j'en suis pas. Je ne crois pas à la révolution, je crois au fait de travailler à un moment dans un endroit et puis de faire des trucs. C'est déjà pas mal. Et si on fait des trottoirs dans ces endroits, on n'aura pas tout réglé, pas réglé la pauvreté, tout ça. Mais ce que je constate, c'est que les gens commencent à travailler ensemble, qui commencent à penser confort, qui commencent à penser pas simplement dans l'endroit où ils sont, mais à une échelle plus large, qui commencent à se construire des professionnalismes, des modes de travail collectifs, qui commencent à montrer quels sont les. À donner des éléments de prise de décision. Que les élus commencent à pouvoir dire, ben voilà, moi, mon idée, c'est ça, ils commencent à comprendre comment on peut la traduire. Parce que tout le monde n'est pas. Il y a des élus qui ne sont pas du tout techniciens. Et donc, c'est un. En fait, et c'est aussi une manière, parce que quand on fait ce travail-là, on le fait avec les associations, les habitants, les. Alors, ça, comme je disais tout à l'heure, ça n'en. C'est jamais tout le monde, c'est toujours des représentants, mais bon, c'est comme ça. C'est en fait mobiliser, c'est à la fois donner du confort, mais mobiliser dans un certain sens la société urbaine, y compris dans sa dimension politique, pour que ça continue. Après, ça continue pas, mais c'est une entrée. Donc le trottoir, pour moi, ça, je vous dis, je suis vraiment pas fétichiste, et je trouverais que ce serait, idéaliser le trottoir, ce serait une bêtise totale. Mais pour moi, c'est vraiment une entrée. Et je pense que le travail sur l'urbain est une des entrées de l'implication sociale et politique. Ce n'est pas qu'une entrée urbaine. C'est aussi travailler sur la vie, comment on vit mieux, comment on vit avec ceux qui étaient là avant, et puis ceux qui seront là demain, et puis tout ça. Donc pour moi, c'est un engagement presque social et politique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Steve Melvis, une question. Il n'y a pas de train partout dans les maisons, on a vu, il n'y a pas d'arbres partout. Presque partout, il y a des rues. On est en train de travailler sur les rues. La rue au sens strict du terme, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des immeubles, des allées d'immeubles tout proches, et on est dans ce qu'on appelait autrefois la rue Corridor. Et donc, il y a un travail très subtil, très fin et très contextuel sur le dimensionnement des événements, sur le fait d'avoir toujours des événements, etc. Mais, là, la qualité évidente, la question que j'ai envie de poser, c'est ce qui se passe lorsqu'on veut travailler sur les questions de la place du piéton en dehors d'une situation liée à la rue, où ce n'est pas la rue, comme par exemple à la Courneuve, où il n'y a pas de rue à proprement dire, enfin, il y en a quelques-unes, des petites, mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'on est dans une urbanisme très fondu. À Saint-Denis, là où on travaillait, c'est la ville, mais pas loin, il y a des conditions qui seraient tout autres, là où il y a les grands équipements, les fabriques, les grands ensembles, etc., c'est chaud de gauche. Alors, est-ce que vous avez travaillé aussi dans ces conditions-là, où il y a absence de rue, et pourtant il y a le souci de travailler uniquement contre la marche? J'ai pas voulu. Je suis à Lyon depuis 21 ans. Et je n'ai pas voulu parler de Lyon plus que je ne... Parce que c'est bon, j'y suis encore, mais c'est une vieille histoire. Je n'aime pas radoter. Mais j'ai été, et je suis toujours très impliqué sur les quartiers de grands ensembles. Donc j'ai été responsable des Minguettes, qui est l'un des plus grands quartiers de grands ensembles de l'agglomération lyonnaise, avec à cette époque-là 11 000 logements. Et j'ai travaillé sur les 25 quartiers de grands ensembles de l'agglomération lyonnaise. Et puis le scope de communes concerne naturellement la Courneuve, Aubervilliers, les grands ensembles partout. Et puis à Saint-Étienne, c'est pareil. Donc, j'ai pas voulu en parler plus que ça. Peut-être que j'aurais dû un peu plus. Mais pour moi, comme j'ai pas une idéologie du trottoir, je ne suis pas un idéologue de la rue. C'est-à-dire que je pense que chaque lieu mérite une réflexion et une réponse. Que la rue, parfois, peut être une bonne réponse dans certaines conditions, mais que la rue n'est pas la seule réponse. Alors, je peux vous dire tout ce qu'on a fait dans tous les quartiers de grands ensembles de l'agglomération lyonnaise, qui est à chaque fois assez particulier. On a réfléchi sur des modes d'usage très complexes entre l'accessibilité d'un lieu, le privé, le public, le développement de centralité, les transports, et l'espace a été conçu en fonction de cette matière-là, qui est une matière complexe, parfois contradictoire. Mais on n'a pas... Je sais qu'il y a un livre qui a été fait par un de mes confrères qui met en avant la rue comme la base de tout développement urbain, si je simplifie, et je n'y crois pas. Je pense que la rue peut avoir c'est une très bonne réponse dans certaines conditions, et ça peut être une très mauvaise dans d'autres. Je crois plus à la profondeur de la réflexion et à l'analyse d'un contexte pour trouver la bonne réponse. Bon, les images que j'ai montrées sont en effet, c'est marrant que vous disiez ça parce que je n'avais pas du tout perçu que les images montraient que des rues de la ville historique, dirais-je. Hein. Mais en fait, ce travail a été probablement plus fait, notamment dans les grands ensembles de l'agglomération lyonnaise, qu'il n'a été fait dans le centre. Et je n'en ai pas montré d'exemple. J'aurais pu, si je montrais Vaux-en-Velin, mais qui est dans le plan masse, c'est assez conventionnel pour le coup. Mais j'aurais pu vous parler de ce qu'on est en train de faire aux Minguettes, ou de ce qu'on fait à la Duchère, ou de ce qu'on fait à Rieux-la-Pape, où parfois il y a rue, et puis parfois on s'éloigne de la rue, on oublie la rue. Alors, en revanche, il y a de l'espace public. Alors il prend des natures différentes. J'ai des conseils de la Défense. La Défense, c'est une autre typologie. Hein. Et elle est là. Moi, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais elle est là. Moi, mon boulot, c'est de travailler sur ce qui est là. C'est pas et à la Défense, c'est ça. Et quand je suis à Saint-Domingue, c'est ce qu'il y a. Et puis au Minguette, c'est ça. Et donc, c'est là. Alors, bien sûr que j'ai un avis, mais bon, en tout cas, c'est là. Et je ne défendrai pas du tout, en revanche, qu'on construise aujourd'hui des dalles. C'est un concours qui vient d'être jugé sur les terrains Carlsberg à Copenhague. Et l'un des projets était la construction sur tout un site qui fait une trentaine d'hectares d'un nouveau quartier qui soit sur dalles. Non, c'est-à-dire qui soit sous dalles et puis qui émerge du une sorte de grande verrière immense. Et pour moi, c'est une énorme connerie, pour le coup. Là, pour le coup, j'ai un avis. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais sur des choses comme ça, j'ai un avis, parce que après, il faut se les taper, les choses, hein. Les dessus de verrière. Il faut se taper comment on gère un endroit sous une verrière la nuit, quand les commerçants sont partis. Tout ça, il faut se le taper. Comment on gère les accès. Donc, j'ai des avis sur des choses comme ça, mais voilà, dans un contexte, vous voyez. Moi, j'aurais une autre question. Vous m'avez montré beaucoup d'exemples où finalement ça fonctionne, c'est-à-dire que l'aménagement est fait et les gens viennent marcher. Est-ce que vous avez des exemples, des contre-exemples justement où les réaménagements n'auraient pas fonctionné, où finalement on serait face à des résistances en termes d'application d'espace par la marche? Et pourquoi? Si ça existe, pour quelles raisons? Oui, il y a beaucoup d'exemples. Enfin, pas tant qu'il y en a de moins en moins, mais il y en a beaucoup. Enfin, il y en a. Je peux prendre un exemple à Copenhague. Un projet avec des... Il y a plein de raisons pour ça. Hein. Il y a des raisons, j'en évoquais une tout à l'heure, c'est de dire on met tout au même endroit. Et du coup, c'est un tel, ça devient n'importe quoi. Vous avez un truc comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est pas un espace urbain. C'est une collection et finalement, personne n'a envie d'y aller. Et puis rien ne marche parce que tout doit être là, donc rien ne marche. Un autre exemple, c'est quand un archi, par exemple, prend le concept, c'est-à-dire applique un concept rigide, de manière rigide, sur un territoire. Or, la qualité d'un projet, elle est dans la qualité du concept et dans la qualité de la manière dont le concepteur intègre la réalité avec ses contradictions et fait des arbitrages. Mais quand quelqu'un arrive avec un dessin et puis pose un truc là-dessus, ça peut être une catastrophe. Et j'ai un exemple à Copenhague où il a fallu en catastrophe replanter 15 arbres et puis virer des trucs. C'était nul. Donc j'ai des contre-exemples. Hein, voilà. Bon, il y a plein de raisons. Ça peut être ça, mais je ne. Il y a d'autres raisons. C'est quand les élus ne veulent pas décider. Ou quand ils ont un endroit qui devrait être plutôt calme, quand ils ont des rêves de grandeur, et puis tout à coup ils font la... je ne sais pas quoi, ils font l'œuvre de leur vie, ou parfois le contraire, quand à un endroit très important on fait un truc de sous-préfecture, ben, il y a plein de raisons, tout le monde peut être, moi aussi je peux être porteur de... J'essaie, ben, maintenant j'ai des heures de vol, comme on dit, donc ayant vu énormément de projets, depuis la commande politique jusqu'à la réalisation, j'en ai vu des milliers. Rien qu'à Lyon, j'ai dû en voir 700 ou 800. À Saint-Étienne, j'en ai vu 300. Donc, j'en ai vu vraiment beaucoup. Donc, ça m'a rendu modeste et en même temps déterminé. Donc, il y a des conneries que je ne referai plus. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai failli être viré par Michel Noir lorsque Henri Chabert m'a demandé de travailler avec lui pour la politique d'espace public. On avait commencé par 10 opérations, on voulait faire 10 opérations en un an. Et puis en fait, en un an, le temps est trop court. Mais au bout d'un an, on en avait 25 qui étaient en route. Et puis on en a fait, au bout de 5 ans, on en a fait 150. Mais en un an, on n'en avait pas réalisé 10. Hein. Et l'une d'entre elles était un projet sur une pente comme ça, avec des arbres. Et puis les habitants avaient demandé à ce qu'on fasse une place. Elle était un peu pourrie, hein, mais... Et le concepteur avait fait une place horizontale, parce que horizontale, c'est vachement bien. Et du coup, il y avait des sortes de cônes comme ça au pied des arbres pour ne pas faire crever les arbres. Donc les gens qui d'habitude faisaient un bal sur leur place, ils s'en retrouvaient à danser entre des cônes, ce qui était une énorme connerie. Et à cette époque-là, moi j'étais un peu idéaliste de la création, donc je me suis dit, c'est un super projet, plastiquement c'est beau, tout ce qu'on veut. Mais c'est une grosse connerie. Donc aujourd'hui, on travaille sur la création, mais en même temps avec une sorte de pragmatisme où il y a beaucoup de lieux d'aujourd'hui qui sont très contemporains. Mais en même temps, il y a des choses, l'usage, parfois c'est presque la raison qui doivent rentrer dans un processus comme ça. Donc c'est un exemple là qui me mettait en cause directement. Et à juste titre. Oui, j'aimerais avoir votre avis sur une des... Michel Gilbert, je travaille à la métro à Grenoble. Je voudrais avoir votre avis sur des difficultés qu'on rencontre dans les espaces publics. C'est la cohabitation entre l'automobile et les espaces qui sont dédiés aux autres modes, en particulier à la marche. Et comment faire en sorte que l'automobile ne soit pas envahissante? On en arrive à des solutions qui sont des solutions de type défensif, potelets, multiplication des potelets, ou parfois des hauteurs de trottoirs doubles, voire triples, pour empêcher le stationnement des véhicules, ce qui gêne d'ailleurs pas trop les 4x4. Et donc, vous, comment vous traitez cette question-là? De multiples manières, et avec des résultats qui sont comme ils sont, donc parfois très bons, parfois moins bons. En général, on essaie de les traiter déjà en amont dans le projet. C'est-à-dire quand quelqu'un veut faire un truc complètement horizontal en disant que ça va devenir piéton et puis que les voitures respecteront, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que soit on a en effet une bordure ou une double bordure, soit on met des potelets, soit on met des bornes, soit on a un contrôle d'accès avant, c'est le cas de Saint-Denis. Le cas de la place des terreaux à Lyon, c'est des potelets. Le cas de telle autre place, ce sont à Saint-Étienne, ce sont des doubles bordures. C'est-à-dire que je n'ai pas plus de solutions que vous, sauf qu'à chaque fois, il faut en trouver. Et que je ne crois pas. On est dans un moment où les usages des villes évoluent beaucoup. Et on est dans je me souviens, j'étais furieux une fois sur un article qu'avait fait quelqu'un, je ne citerai pas, en disant oui, à Lyon, c'est vraiment pas bien, ils mettent des potelets partout. Mais moi, ne pas mettre de potelets, si on pouvait le faire, je serais vraiment content. Sauf que la société urbaine d'aujourd'hui, elle est comme ça. Alors je peux la critiquer, et je la critique en ce sens, en d'autres sens non, mais en ce sens oui. Mais je ne peux pas ne pas en tenir compte. Et donc dans les projets, on protège d'une manière ou d'une autre, et on peut simplement, et je pense qu'il faut le faire aujourd'hui, il ne faut pas rêver, il faut le faire absolument, parce que si on ne le fait pas, on sera obligé de le faire après. Et le faire avant, c'est se dire que peu à peu, il y a des régulations qui peuvent s'opérer. Et elles s'opèrent déjà dans certaines villes. À Saint-Denis, je peux vous dire qu'elles ne s'opèrent pas du tout, pour l'instant. Donc on est obligé d'avoir toute la batterie, les bornes rétractables. On a un phénomène qui est intéressant. Et justement, c'est aussi la professionnalisation des collectivités. On a un phénomène, alors qu'on sait très très bien comment fonctionne le centre aujourd'hui, parce qu'on a plein d'indicateurs, on a fait tout un tas de choses, hein, vraiment. Qui vient, qui part, à quelle heure, où sont les conflits, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis on a un phénomène qui s'inscrit là-dedans, qui est le phénomène de petits trains. C'est-à-dire qu'une bagnole arrive, les élus ne voulaient pas qu'il y ait deux barrières, comme dans les parkings, c'est-à-dire une bagnole arrive, elle rentre dans un sas, quand derrière c'est fermé, le sas devant s'ouvre. Un truc aussi, ils ne voulaient pas, parce que c'était ingérable, parce que les gens là-bas, parfois, ils peuvent aller assez vite, et puis, pour plein de raisons, même pour des raisons politiques, en fait. Puis techniquement, c'est ingérable. Vu le nombre de... Quand je vous parlais de... Je vous donne un exemple très concret. Les bus rentrent dans le centre-ville, et ils doivent faire 19 mètres, un peu comme ça. Enfin, je ne sais pas combien fait un bus. Et donc, entre les barrières, il fallait une certaine distance, et du coup, on avait la distance pour 3 bagnoles. Donc ça ne servait à rien. Donc, si on avait fait un sas pour les bagnoles, les bus ne rentraient plus. Or, les bus devaient rentrer. Donc on n'a pas pu choisir ça, c'est une des raisons. Mais la technique, elle est importante dans les choix aussi, parfois. Où est-ce que j'en étais dans les histoires? Donc on a un phénomène de petits trains. Donc une bagnole rentre, elle a une carte, la bande se baisse, et puis vous avez 2, 3, 4 bagnoles derrière, qui rentrent comme ça, mais qui n'ont rien à faire. Et comme par sécurité, on ne peut pas remonter la bande tout de suite, du coup, on sait exactement à quelle porte du centre. Je peux vous dire que rue de Strasbourg, je crois qu'il y a 3 voitures qui rentrent pour une autorisée. Donc aujourd'hui, on est en train de faire une campagne avec les auxiliaires de police, avec la police municipale, avec du tractage pour convaincre les gens. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la répression, on fait de la communication, de l'explication, enfin, tout ça. Et Du coup, ben, voilà, c'est la solution de Saint-Denis, elle est comme elle est, mais elle génère des choses qu'on n'avait absolument pas anticipées. Mais en même temps, pour moi, c'est la vie. Aujourd'hui, on est dans la gestion du centre, on n'est plus dans sa transformation. Et la gestion du centre, elle ne sera jamais définitive. Parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a des milliers de personnes. Le samedi, il y a 100 000 personnes, quelque chose comme ça, à la rue de la République. Vous avez, je vous disais, 30 000 personnes pour le marché, enfin tout ça. Donc elle ne sera jamais finie. C'est la gestion urbaine, c'est la gestion sociale, et c'est aussi une gestion politique. Et donc on n'arrêtera pas. Donc il faut faire plutôt bien, mais il faut savoir qu'il faut évoluer, il faut avoir des indicateurs, il faut trouver les bonnes réponses, il faut continuer à choisir, etc. Merci. Rachel Thomas, Yvon Aquin, pardon. Rachel Thomas, ce matin, posait la question de l'aseptisation. Est-ce que cette aseptisation ne serait pas à mettre en relation avec cette quête du confort dont vous avez souvent parlé? Je veux dire, lisser les trottoirs, lisser les paysages, faire en sorte qu'au fond, ça fasse pour tout le monde. Je vais vous répondre. La question. Pour la gratter, mais je voudrais. Je pense que c'est une vraie question. Comme tout à l'heure, je parlais de la gentrification, toutes ces questions sont de véritables questions. Donc je ne vais surtout pas les vider. Je vais vous dire ce que j'en pense et ce qu'on fait. En fait, on est aussi dans un temps. Ça fait 15 ans que l'espace urbain n'était pas légitime. On le trouvait dans les. Où il avait. C'était un reste. Où c'était le lieu des automobiles. Vous aviez des sortes de gestes avec 3-4 bancs. Et bien sûr, il y avait des parcs du 19e, mais la plupart des places étaient devenues des parkings. Et puis, les commerces, tout ça. C'est... Donc, aujourd'hui, on est dans un. Aujourd'hui, l'espace urbain, je crois, est légitime. C'est-à-dire qu'on pense que c'est bien d'être dans une ville plus confortable. Moi, j'ai une tendance à penser que de temps en temps, d'abord, je n'ai pas de théorie, là encore. C'est-à-dire que je pense que, à la fois, il faut qu'on apporte une base. Plutôt qu'asceptisation, je parlerais plutôt d'une base. Parce que je pense qu'un espace évolue. Je pense qu'il ne faut surtout pas tout anticiper ses usages, même s'il faut y penser avant. Mais il ne faut pas forcément avoir une réponse à tout, ni spécialiser les réponses. Je pense que, donc je l'ai dit, il évoluait, la simplicité, pour moi, c'est ce qui permet que dans l'avenir, les choses puissent bouger. Et il y a des choses qui sont très simples, comme le fait, tout à l'heure, je disais que deux poussettes puissent se croiser. Pour moi, c'est pas aseptiser un lieu. Si vous voulez avoir un grand trottoir, c'est qu'on puisse y mettre des étalages, c'est qu'on puisse y marcher correctement. Bon, des petits trottoirs, c'est dangereux. C'est pas que la vie. Et je donnerai un exemple, c'est celui de Lyon, deux exemples, celui de Lyon et de Saint-Denis. Aujourd'hui, il y a encore plus de monde qu'avant. Et Saint-Denis, d'ici que vous l'acceptiez, vous avez de la marge. Hein. Il y a un autre phénomène qui est intéressant d'ailleurs. Et j'ai montré la rue de la République tout à l'heure. Ce qu'on disait, et moi je suis très ami avec Michel Corajoux parce qu'il m'a beaucoup. Il m'a beaucoup fait rentrer de choses dans la tête. Mais Michel Corajoux, il dit à juste titre que la décoration, c'est des gens. La rue de la République, la décoration, c'est des gens, c'est des commerces, c'est des choses comme ça. Rue de la République à Saint-Denis, la décoration, c'est là encore les gens, les commerces. Et maintenant, il y a une nouvelle décoration qui est arrivée. Et c'était marrant parce que j'ai organisé un séminaire entre des professionnels sud-américains d'une quinzaine de pays, et puis Saint-Denis, et pleine commune. Et en fait, ils sont venus voir ce qu'on était en train de faire à Saint-Denis, et puis nous, on a écouté ce qu'ils faisaient. Et notamment à Barranquilla, dont j'ai parlé tout à l'heure, lorsque j'y étais allé, il y avait 10 000 commerçants ambulants illégaux. Barranquilla, c'est en Colombie. Donc dans les espaces, en fait, beaucoup de gens de la campagne étaient allés dans les grandes villes parce que c'était un endroit qui était plus en sécurité, en fait. Hein. Alors que les campagnes, la police n'ose pas sortir. Enfin, la Colombie est un endroit dur. Et du coup, il y avait 10 000 commerçants qui faisaient vivre à peu près 30 000 personnes. Et ils étaient tous illégaux sur l'espace public. Et la question, elle ne se pose pas qu'en Colombie, mais elle se pose à Barquisimeto et dans d'autres endroits, à Quito, en Équateur, etc. À chaque fois, il faut trouver une réponse. Et la réponse, elle ne tombe pas comme ça sous le sens. Et en fait, quand les gens sont venus à Saint-Denis, nous, depuis qu'on a aménagé les grandes rues, et on est en train de finir les places, on a à peu près 150 commerçants ambulants illégaux, et qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la situation où on leur a demandé, mais ils ont plein d'autres choses à nous apporter, mais ils nous ont apporté leur point de vue dans les diverses villes sur comment ils faisaient avec ça. Et ça, c'est la vie de l'espace urbain. Et moi, il faut surtout pas tout régler, mais en revanche, je pense qu'on peut être plus décoratif, par exemple. Hein. Mais quand vous avez sur la rue de la République 100 000 personnes, si vous mettez des arbres au milieu, tout le monde se tape les arbres. Vous voyez ? Si vous mettez des bancs, tout le monde se tape les bancs. Donc les arbres et les bancs, on les a mis dans les rues perpendiculaires, et puis il y a des squares qu'on a réaménagés autour. Donc, bon, il y a tout un tas de réponses. Il y a des réponses aux bancs, il y a des réponses aux arbres, il y a des réponses au sport, aux gamins, par exemple, aux ados, sur une autre place. Si on essaie de trouver des réponses, mais pas forcément toutes sur le même endroit, et pas forcément conflictuelle. Est-ce que ces réponses peuvent être d'un autre ordre qu'une réponse strictement aménagée par beaucoup de mobilier urbain? Vous pouvez parler beaucoup du végétal. Est-ce que vous travaillez aussi sur les questions de mise en lumière, de tactile dans la ville, de qualité sonore? Vous me faites peur quand vous me dites que je parle beaucoup de mobilier urbain, parce que j'ai l'impression de parler de la vie, des espaces. Oui, mais vous parlez aussi de mobilier urbain. Oui. On a parlé aussi beaucoup du végétal depuis ce matin. Est-ce que il y a d'autres qualités de vie sur lesquelles vous jouez pour effectivement peut-être améliorer ces espaces de la marche? J'ai pas voulu les commenter parce que pour moi c'est évident. C'est-à-dire que tout projet est un projet pour améliorer le confort de la marche, mais pas que de la marche. Par exemple, tous les lieux sont accessibles aux handicapés, donc aux personnes âgées, donc aux personnes qui ont une difficulté pour se déplacer, ou aux non-voyants, aux malvoyants, etc. Donc pour moi, c'est tellement naturel. Un bon projet, c'est déjà un projet qui répond à ça. Donc je ne l'ai pas développé, parce que pour moi, si on ne fait pas ça, c'est qu'on ça ne vaut pas le coup de faire notre boulot. Alors après, on travaille sur les différences de niveau, on travaille sur le mobilier urbain, sur les sols, sur la lumière, on travaille sur l'accessibilité au commerce, sur l'accessibilité aux équipements, sur la mise en réseau entre les transports, le confort entre les transports et la marche. Enfin, pour moi, tout ça est complètement lié. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, je n'ai pas voulu expliquer un projet, ou comment, plutôt essayer de montrer dans des lieux différents, mais... Comprenez bien que pour moi, tout projet doit répondre aux questions dont vous parlez. Sinon, c'est déjà pas un projet qui n'est pas accessible. Un lieu non accessible ou handicapé, c'est qu'on n'a pas bien fait notre boulot. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre, en revanche, une espèce de rampe qui fait 50 mètres pour arriver à un endroit et qui, du coup, stigmatise plus les handicapés qu'elle leur rend confort. Parce que ça devient une sorte d'orthopédie qui les montre du doigt. Donc, si vous voulez... Moi, je ne sais pas, c'est mon métier, donc ça fait partie des bases de mon métier. Si je ne faisais pas ça, je ne ferais pas mon métier. On prend une dernière question dans la salle, s'il vous plaît. Alors, Jean-Marie Barrier, je suis paysagiste. Et du coup, pour continuer un peu l'intervention du monsieur sur la sétination, moi, j'ai un peu une réflexion sur la question des espaces publics. Alors, moi, je suis originaire d'Orléans, donc une assez grande ville. J'ai fait mes études à Bordeaux. Je connaissais bien Toulouse-Lyon. Et aujourd'hui, je travaille sur Grenoble. J'ai eu quelques chez Grenoble. Et moi, je ne me suis pas vraiment intéressée dans le fond à la question de la marche et à ce sujet d'aujourd'hui. Mais du coup, j'ai une question à tous les deux devant moi là, à vous poser. Moi, j'ai la sensation que la marche en ville, c'est aussi une question, c'est pas qu'une question de fonctionnalité, comme vous en parlez tout le temps, c'est-à-dire avoir accès au commerce, pouvoir fluidifier la marche, pouvoir faire du linéaire, aller d'un lieu à un autre. J'ai plutôt l'impression que la marche, c'est aussi une expérience des lieux, c'est aussi la construction d'une culture commune, c'est aussi la construction et l'éveil d'une imagination, c'est aussi tout ça. Et du coup, moi, je m'interroge aujourd'hui sur un peu dans la question, un peu dans le même sens que la sceptisation, sur la question de la banalisation et le stéréotype des villes. Aujourd'hui, enfin, moi, on les voit tous, elles sont toutes faites pareilles. Tout ce qui se fait depuis 10-15 ans, c'est tout la même chose. Alors, tout à l'heure, vous disiez que du moment que ça fonctionne, les matériaux, c'est pas forcément important. Moi, je trouve que, du coup, les matériaux, la façon dont ils sont mis en œuvre, la façon dont ça dégage des endroits particuliers, la façon dont on a une expérience individuelle et collective des lieux, ça, c'est important. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'aménagement de l'espace public tel qu'il est pensé, et dans tous les exemples dont je vais parler, effectivement, on répond à une certaine problématique de fluidification de la ville, de générer des nouveaux espaces, des nouvelles fonctions, des nouvelles pratiques, des nouveaux usages, mais on en oublie ce qu'est la question de la marche en ville et d'être dans l'espace public, c'est de vivre une expérience. Et moi, j'ai la sensation aujourd'hui que, du coup, on banalise aussi l'expérience de la marche. L'espace public banalise l'usage, quoi, et la pratique. Je vais faire comme tout à l'heure, là encore, je n'ai pas voulu en parler, parce que je trouve que c'est pas... Si vous voulez, moi, ça fait 20 ans que je me bats pour ça, donc je trouve que ça me fait un peu ça, qu'on me dise que je ne suis pas attentif aux rues, aux ambiances, aux trucs comme ça, mais je peux comprendre, comme je suis beaucoup plus âgé que vous, je peux comprendre que vous puissiez penser ça. Mais je trouve un peu raide de l'entendre, et c'est vous qui avez raison, mais c'est moi qui ne suis pas expliqué. Moi, je me bats pour qu'on se bat, d'abord qu'on ait l'espace pour le faire, cette expérience de la rencontre, de la vue, de l'ambiance, de la chaleur, de la froideur. J'en ai pas parlé parce que je fais un métier dans lequel je parle plutôt de la manière dont je le fais et de ce qui me conduit à le faire, plutôt que de choses plus poétiques que d'autres font beaucoup mieux que moi. Mais pour moi, le travail qu'on fait, il renvoie à tout ça. Il renvoie à la pratique de la ville. Je n'ai pas peur d'homogénéisation, parce que toutes les villes sont différentes, les quartiers sont différents, les commerces sont différents, les monuments, les gens, les pratiques urbaines, tout ça est différent. Donc, je pense, les projets que vous avez vus, je ne suis pas rentré dans le détail, mais ils sont pour beaucoup différents les uns des autres. La place devant la basilique de Saint-Denis est un travail très raffiné sur les matériaux, par exemple, si je prenais cet exemple-là. Donc, moi, je suis bien sûr d'accord qu'on travaille sur les matériaux. Simplement, je dis que l'espace urbain ou la vie en ville, ce n'est pas qu'à travailler sur les matériaux. Et il y a des endroits où on a dépensé des sommes faramineuses pour quelque chose qui n'a pas grande importance, quoi. Donc, je suis complètement d'accord avec vous sur l'expérience sensible, poétique, humaine de l'espace public. Je ne souhaite pas la développer parce qu'en plus, c'est l'un des sujets du séminaire. Et puis j'ai envie de vous dire, puisque vous pensez ça, faites-le dans votre boulot. Ce n'est pas une critique, c'est une invitation. Voilà, nous avons pris un petit peu de retard. Je propose que les débats se prolongent lors du buffet qui vous est offert par le gouvernement de la lecture et qui se passe en salle 282 et 283.